France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un suicide de masse. Le 18 novembre 1978, plus de 900 personnes sont retrouvées mortes, empoisonnées, au milieu de la jungle du Guyana en Amérique centrale. Les victimes sont en grande majorité américaines et adeptes de la secte The People's Temple, le temple du peuple, et de son gourou, le pasteur Jim Jones. L'homme qui a monté son église dans les années 60 propose un culte très progressiste. Ouvert aux noirs comme aux blancs, sa doctrine est même d'essence socialiste. Son église, installée à San Francisco à partir de 1972, propose des services sociaux à la population. Le temple compte plusieurs milliers de fidèles et des soutiens politiques démocrates puissants. Sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde religieux, l'image glorieuse du pasteur Jones cache en fait une face plus sombre. Sévices corporels, abus sexuels, extorsion de fonds, fausses guérisons miraculeuses, meurtres, mais oui, et culte de la personnalité, il y a là tous les éléments de la dérive sectaire, et c'est un cas d'école dramatique. Mais comment Jim Jones a-t-il pu entraîner dans sa folie près de 1000 innocents? Et d'ailleurs, peut-on vraiment parler de suicide? Notre invité aujourd'hui, Enrico Pozzi, professeur de psychologie sociale à l'université La Sapienza de Rome. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Un battement d'ailes métalliques, quelques oiseaux et le son du vent dans les feuilles, c'est tout. Ce 20 novembre 78, ces bruits sont les seuls à briser le silence plombant qui s'est abattu sur le camp de Johnstone, au milieu de la jungle, dans le nord du Guyana. À bord de l'hélicoptère qui survole le site, ont pris place Charles A. Krause et Frank Johnston, respectivement correspondants en Amérique latine et photographes pour le Washington Post. Ils sont les premiers, après l'armée guyanaise, à découvrir, quelques mètres en dessous d'eux, une scène macabre. Des femmes, des hommes, des enfants, blancs et noirs, gisent au sol, face contre terre, dans une chaleur tropicale. Vision d'apocalypse. Certains sont enlacés, d'autres se tiennent par la taille ou les épaules, mais pas un ne bouge. Autrement dit, c'est une marée humaine de plusieurs centaines d'âmes perdues qui recouvre le sol autour du pavillon central, au camp du temple du peuple et du trône de son gourou, le révérend Jim Jones. Quelques heures plus tard, l'hécatombe fait l'ouverture des journaux du monde entier. Bonsoir. Le fanatisme confine parfois à la barbarie, à l'horreur la plus inimaginable. Nous venons d'apprendre que le chef de la secte du Temple du Peuple, Jim Jones, et toute sa famille s'étaient suicidés. Jim Jones, responsable du suicide collectif de 400 de ses fidèles, responsable de l'assassinat de 5 Américains qui enquêtaient sur sa secte, s'est donc fait justice ce soir. C'est l'aboutissement d'une atroce série noire, un véritable massacre. Suicide collectif, massacre, dans les deux cas, c'est bien la folie d'un homme, Jim Jones, qui a précipité ses hommes et ses femmes vers un destin funeste. Au total, 912 victimes, en majorité des adeptes de sa secte. Au Guyana, elles étaient pourtant venues chercher un paradis, un havre de paix, où elles pourraient vivre librement l'utopie imaginée par le révérend Jones, et qui fit d'ailleurs son immense succès dès le début des années 70. Nous sommes en 1972. Comme chaque dimanche, Jim Jones prêche dans une ambiance survoltée. Les cheveux foncés, plaqués en arrière, le regard noir perçant, un petit air d'Elvis Presley, le pasteur a du charisme, condition sine qua non pour qu'il veut entraîner les foules vers le destin qu'il a lui-même défini. Alors, les disciples affluent, de San Francisco en particulier. Ils sont des centaines à venir écouter ses sermons. L'assistance est diverse et métissée, hommes, femmes, jeunes, vieux, blancs et noirs, tous assis côte à côte, partageant la même ferveur. Sur les bancs de son temple, Jim Jones donne vie à l'égalité de droits civiques et à un idéal profondément social, voire socialisant. Dans cette période troublée, et à San Francisco, la ville la plus progressiste des États-Unis, le temple du peuple, People's Temple, en version originale, ne pouvait que séduire. À cette époque, nombreux en effet sont ceux qui recherchent l'apaisement et des raisons d'espérer en un monde meilleur. 4 ans plus tôt, en avril 68, Martin Luther King mourait assassiné. Jim Jones donne ainsi un souffle d'espoir aux Noirs américains. Mais il séduit aussi les anciens militants anti-guerre qui ont du pain sur la planche, avec le conflit du Vietnam toujours pas terminé. Jim Jones offre également une grande famille aux personnes âgées, de la nourriture et une aide matérielle aux plus démunis. La défense des droits civiques et des pauvres occupe une grande place dans ses sermons, comme dans celui-ci, prononcé en 1972. C'est la lutte des classes qui produit la religion. S'il n'y avait ni riches ni pauvres, si tous étaient égaux, la religion disparaîtrait. Les gens ne développent la religion que quand ils ne sont pas heureux dans ce monde. Mais si ce monde était équitable, si tout était équitable, chaque opportunité, chaque propriété, la nourriture, si toutes les belles choses sur cette terre étaient accessibles à tous, les gens perdraient aussitôt leur religion. Et il n'y aurait pas de différence raciale si tous étaient égaux. Il n'y aurait ni race, ni pauvre, ni système de classe, si ce que l'on entend par là est la division entre les gens basée sur leur argent. Il n'y aurait pas de place pour la race. Le concept de race ne se développe que parce que les riches veulent quelqu'un pour faire leur travail servile, et il se trouve que les Noirs sont les esclaves de cette génération. Les sermons de Jim Jones s'apparentent souvent à des discours politiques très à gauche aux accents résolument marxistes, comme vous allez l'entendre. Le racisme est le reflet, le résultat direct de la séparation entre les gens basée sur la propriété. Je ne crois pas à la propriété privée. Je crois que la propriété doit être possédée en commun, tout comme l'Église nous appartient à tous. Comme la terre ici, les fruits et tout ce que nous partageons. Le gourou propose donc un socialisme apostolique, une position pour le moins originale aux États-Unis, pays dirigé par des hommes et des femmes, surtout des hommes, obnubilés par le danger communiste. Et pourquoi gêner ? Jones se présente comme l'héritier du Christ et de Lénine. Alors, régulièrement, il ponctue ses allocutions de l'International, accompagné à l'orgue, devenu chant religieux et apostat. À la fois leader politique et révérend pastoral, à la tête d'un troupeau de plusieurs milliers d'ouailles, Jim Jones a construit sa doctrine et son caractère dans un milieu très modeste d'une petite ville du Midwest américain. Il est originaire de Lynn, dans l'Indiana. La ville, très conservatrice, goûte peu aux rapports interraciaux. Le Ku Klux Klan y est très puissant et une règle tacite est interdite aux Noirs d'y vivre. Jim Jones est issu, lui, d'une famille pauvre. Son père est au chômage. Jim a du mal à trouver sa place dans la société, jusqu'à ce qu'il découvre l'Église. C'est ce qu'il explique dans des enregistrements découverts par le FBI après le suicide des membres de la secte. J'ai agi contre le conformisme de ma communauté. D'abord parce que je n'ai jamais été accepté. Je ne me suis jamais senti accepté dans la communauté. J'ai rejoint l'Église catholique, la plus extrême des Églises catholiques, parce qu'ils étaient les plus méprisés, les rebuts de la société. Et après quelques temps, je suis revenu du catholicisme d'un point de vue intellectuel, mais je suis resté rebelle, toujours en dehors de la société, jamais accepté et appartenant au mauvais côté de la route. Alors c'est décidé, Jim Jones sera pasteur. À seulement 18 ans, dès 1953, il fonde sa propre église, la Christian Assembly of Good Church, qui deviendra 10 ans plus tard « The People's Temple ». À cette époque, il rencontre et épouse Marceline Baldwin, une jeune infirmière. Avec elle, il aura 8 enfants, un fils naturel et 7 autres adoptés, dont 2 Coréens et 1 Noir, le premier du pays à être recueilli par une famille blanche. Mis au banc de la société dans son enfance, le jeune homme s'identifie volontiers à la situation des Noirs américains. Alors, dès ses débuts, en tant que pasteur, il les convie à assister à ses offices, au même titre que les Blancs. Dans l'Indiana, l'initiative fait jaser. En tout cas, le révérend progressiste intrigue la presse, qui publie des articles lovatifs. Puis, pendant 4 ans, de 1961 à 1965, Jim Jones part au Brésil comme missionnaire et en revient avec une obsession, la crainte d'un holocauste nucléaire. Et justement, un magazine américain, Esquire, publie une liste de 9 villes, les seules capables de survivre en cas d'attaque nucléaire. L'article cite la ville d'Ukiah, en Californie. Jim Jones n'hésite pas, voilà une ville bunker dans un état progressiste qui plus est, et bien c'est là qu'il doit installer son culte. Le révérend et sa grande famille bâtissent leur église, mais pas seulement. Il est grand temps de mettre en œuvre l'idéal socialiste porté par Jim Jones. Il monte alors une communauté de 141 personnes dans une ferme. Ces dernières vivent et travaillent dans ce phalanstère, au milieu des champs et des vignes, dans cette vallée très fertile. Partager, mettre en commun, tels sont les préceptes de Jim Jones. On n'est pas loin des Gold Coast. Et déjà dans la secte, dès lors que Jones demande à ses disciples de faire don de leurs biens à la communauté, ce qui dans la réalité revient à les lui donner. Mais bientôt, cette vie en communauté ne suffit plus au pasteur. Pour toucher les masses et étendre son influence, il doit viser plus haut. Il part donc à la conquête de la ville la plus ouverte de l'État et du pays, San Francisco. En 71, il installe son église dans une ancienne synagogue dans le quartier de Fillmore. Les messes d'ouverture drainent les foules venues des quatre coins de la ville. Il faut dire qu'il y a mis les moyens. Il a convié des orateurs de choix, la militante des droits civiques Angela Davis et Dennis Bank, le leader des Indiens américains. Mais le succès du People's Temple repose aussi sur les services sociaux proposés par l'église. On y trouve une infirmerie, un centre de soins pour les enfants, un charpentier et des cuisines qui concoctent des repas pour les plus démunis. Petit père de son peuple, Jim Jones concurrence même sérieusement le créateur. D'ailleurs, au cours de cérémonies de guérison, il accomplit des miracles. Écoutez l'une de ces séances. Nous sommes en 1972. Le médecin vous a arrêté et vous avez une mauvaise condition au niveau de la colonne vertébrale. Oui. Et vous vous êtes blessé à la hanche. Oui. Levez-vous de votre chaise roulante. Levez-vous. Essayez. Essayez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Nous ne risquons pas de perdre la foi. J'ai vu plus de miracles ici que n'importe où ailleurs. Je vous aime. Le Christ vous aime. Les gens vous aiment. Maintenant, ma sœur, marchez. Marchez. Marchez. Et la vieille dame marche. L'auditoire est en transe. Et le pouvoir de Jones s'étend, évidemment. Tous les hommes politiques libéraux de l'État se pressent à son bureau. Avec plusieurs milliers de fidèles, cet homme-là pèse lourd dans les résultats électoraux. Il peut également mettre à disposition des petites mains efficaces et dociles dans le cadre des campagnes. Bref, mieux vaut l'avoir dans sa poche. Dans la seconde moitié des années 70, Jim Jones et son église sont au sommet de leur gloire. Et après tout, c'est bien normal. Le révérend apparaît comme un bienfaiteur de l'humanité. Bien. Mais ce joli tableau ne va pas tarder à s'assombrir. Fin juillet 77, à l'église de Fillmore, à San Francisco, Jim Jones est dans tous ses états. Le magazine New West s'apprête à publier une enquête exclusive sur son église. Marshall Kilduff, le journaliste qui a mené l'investigation, a obtenu le témoignage de plusieurs anciens adeptes. Rien de bon ne peut en sortir, pense Jim Jones. Il fait donc tout son possible pour empêcher la publication de l'enquête. Et il a raison de s'inquiéter. Les témoignages recueillis par Marshall Kilduff, une dizaine, sont accablants et mettent au jour un véritable régime de terreur, comme on peut l'entendre dans cet extrait de l'article publié le 1er août 1977. Une nuit, la fille des Myrtle, Linda, a été appelée pour une séance de discipline parce qu'elle avait pris dans ses bras et embrassé une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. La jeune femme était réputée lesbienne. Les Myrtle ont dû se tenir devant 600 ou 700 membres de la congrégation pendant que leur fille, qui avait 16 ans à l'époque, recevait 75 coups sur son postérieur. Elle a été si brutalement battue, témoignait le maire, que les enfants ont dit que ses fesses ressemblaient à un hamburger. Des adeptes battus en public, humiliés. Jim Jones semble avoir une façon bien particulière de célébrer l'amour de Dieu dans son église. Les violences étaient aussi sexuelles, évidemment, comme dans toute secte qui se respecte à défaut de respecter ses membres. Disons que le révérend Jones a des mœurs assez ouvertes. À ses fidèles, il affirme régulièrement que tout le monde est homosexuel, sauf lui. Ce qui n'empêche pas de proposer régulièrement des relations sexuelles aux hommes comme aux femmes, tout en leur interdisant d'en avoir avec leur conjoint. L'article de New West provoque un torrent de révélations. Plusieurs témoins accusent Jim Jones d'extorsion de fonds et de spoliation. Et ses petites combines s'étalent dans les colonnes de la presse. Alors, le mythe finit par tomber, surtout lorsque les plus crédules découvrent que les guérisons miraculeuses étaient montées toutes pièces. Tiens, la femme en chaise roulante qui marche n'a jamais été handicapée, l'aveugle qui retrouve la vue ne l'avait jamais perdue. Voici comment Jones s'y prenait pour faire croire qu'il soignait cancer et autres maladies incurables. Jones demandait si quelqu'un dans l'assistance souffrait d'un cancer. C'était le signal pour la sœur de Cobb, Terry, qui devait se glisser dans une petite salle sur le côté et faire déguerpir quiconque pouvait y être. Là, la femme de Jones, Marceline, et une vieille dame, tremblante d'excitation, disparaissaient dans la cabine pour un petit moment. Marceline ressortait en tenant des espèces de déchets à l'odeur nauséabonde dans le creux d'une serviette, présentés comme étant les restes d'un cancer. Marceline et la vieille dame revenaient dans la salle principale sous les cris, un tonnerre d'applaudissements et de la musique. Jim Jones avait encore guéri. Mais une fois, Terry a pu regarder à l'intérieur du sac de cancer. Il était plein de serviettes et de petits morceaux de viande emballés individuellement, explique Terry. C'était des entrailles de poulet. J'étais choqué. Jim Jones a une obsession, s'assurer sans cesse de son pouvoir et de la loyauté de ses fidèles. Et il use pour cela de stratagèmes machiavéliques. L'un des témoins, une femme d'une quarantaine d'années, raconte ce nouvel an qu'elle a passé à l'église avec près de 120 personnes. Ce jour-là, Jim Jones prononce un sermon dans lequel il défend la cause de l'église. Bien, pendant ce temps, il fait servir un punch à tous les fidèles et il leur dit « Vous venez de boire du poison et nous allons tous mourir dans l'église ensemble. » Panique, des femmes se mettent à pleurer en serrant leur bébé dans les bras, d'autres restent assis, hébétés. De longues minutes passent et pourtant, personne ne meurt. En vérité, les disciples de Jim Jones font l'objet et sont victimes d'un simulacre destiné à mettre leur loyauté à l'épreuve. Mais plus qu'une simulation, ils ne savent pas, c'était une répétition de suicide, un vrai celui-là, qu'ils assistent. Jim Jones sait comment renforcer le sentiment communautaire. Régulièrement, il affirme à ses fidèles que l'Église, trop progressiste, est menacée par le gouvernement qui veut sa destruction. Mais l'attaque la plus sévère vient des journalistes de New West. La veille de la parution de l'article, Jones appelle la rédactrice en chef de la publication. Il réussit à la convaincre de lui lire le papier au téléphone. Au fil de la lecture, le visage de Jones se fige dans une expression d'angoisse et soudain il s'écrie « On part !» One, two, three, one, two, three. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Août 77, 6 heures seulement après la parution de l'article de New West, courage fuyant, Jim Jones quitte le territoire américain direction Guyana. 4 ans plus tôt, en 73, il y avait envoyé une mission dans ce petit pays d'Amérique centrale pour y trouver des terres et y installer un camp de jeunes en rupture de banc. La secte négocie 27 000 acres de terre au nord du pays, à Porcaïtuma, en pleine jungle. Pour Jim Jones, ce camp est une base de repli idéale. Il veut en faire sa colonie d'ailleurs. Il nomme la ville Jonestown. Là encore, pourquoi gêner? Ainsi, le gourou fonde-t-il son propre royaume. Et il n'attend plus désormais que ses obligés. Car le pasteur ne part pas seul, non. Il ordonne à ses adeptes de le rejoindre. Il leur promet un paradis, une terre bénie où ils pourront mettre en œuvre leur utopie socialiste. Ici, en effet, ils pourront vivre loin du racisme et de l'oppression du gouvernement. Des perspectives exaltantes pour nombre de disciples. Alors, en quelques mois, ces derniers bâtissent une petite ville. Des maisons en bois, un pavillon central où le pasteur les réunit, une infirmerie, des cuisines. En quelques semaines, ils sont un millier à s'y installer. Entre les disciples, l'ambiance est fraternelle et plutôt joyeuse. Mais lorsque Jim Jones est là, le climat s'alourdit. Des haut-parleurs diffusent ces messages à toute heure du jour et de la nuit. Les habitants de Jonestown entendent sa voix en permanence, où qu'ils soient, dans leur lit, dans les champs et même aux toilettes. Gare à quiconque tenterait de partir. Ce qui en exprime, ne serait-ce que le souhait, s'attire les foudres de Père Jones et le paie parfois physiquement. Le royaume de Jim Jones, c'est un peu l'Albanie d'Enver Hoxha, la Roumanie de Ceausescu, la Corée du Nord des Kim ou l'empire centrafricain de Bokassa réunis. Mais le pasteur est de plus en plus malade. Sans doute abuse-t-il de médicaments. On prétend qu'il a attrapé une maladie tropicale. Toujours est-il qu'il est de plus en plus caractériel. Pour renforcer son emprise et annihiler toute tentative de rébellion, le gourou exerce sur le campement une pression infernale et un climat qui épuise ses disciples. Il impose régulièrement des nuits blanches, il fait sonner l'alarme, demande à tout le monde de venir dans le pavillon central et il submerge son auditoire de sermons interminables. Égare à quiconque manquerait l'appel, comme on peut l'entendre dans cet enregistrement de 1978. Get your ass up here or you will regret it. Ramenez vos fesses ici ou vous le regretterez. Ça ne sera rien de plus qu'une discussion avec vous. Mais s'il y a quoi que ce soit, le moindre retard passé 7 minutes, alors je ferai ce que je veux de vous. Ce que je dois vous faire. Encore quelques secondes. 30 secondes. Vous feriez mieux de vous lever maintenant. Essayez de jouer. Amusez-vous, mais c'est avec votre destin que vous jouez. Et ça ne sera pas une mort rapide. Aux États-Unis, les proches des membres de la secte sont inquiets. Certains ont tout quitté du jour au lendemain, sans rien dire à leur famille. Très vite après le départ pour le Guyana, leurs proches créent une association Concern Relives. Ils craignent que les disciples soient retenus contre leur gré. Ils trouvent alors une oreille attentive à la personne du sénateur Leo Ryan, représentant de la Californie au Congrès américain. L'homme politique est connu pour ses méthodes flamboyantes. Il s'est fait remarquer en demandant à se faire emprisonner pour bien comprendre les conditions de détention, par exemple. Ou encore, en vivant avec une famille noire après des émeutes à San Francisco en 65. Cette fois, il est bien décidé à aller vérifier ce qui se passe au Guyana. Le départ est fixé au 14 novembre 78. Le sénateur emmène deux collaborateurs, Jackie Speier et Jim Schollert. Font également partie du voyage 17 membres des familles des disciples et 9 journalistes. Parmi eux, Don Harris et Bob Brown de NBC, le photographe Greg Robinson ou encore Charles A. Krause du Washington Post. Bien décidé à découvrir et à révéler la vérité sur Jonestown, la délégation atterrit le 15 novembre à Georgetown, la capitale du Guyana. reste un léger problème. Jim Jones refuse pour le moment d'inviter tout ce petit monde dans son campement. Il faudra plusieurs heures de négociations avec l'avocat de Jim Jones pour obtenir l'autorisation. Le pasteur, lui, est très nerveux. Alors il se lance dans une sorte de média training avec ses ouailles, histoire qu'elle réponde aux journalistes ce qu'il a décidé qu'elle devait répondre. Je ne vois pas pourquoi nous faisons l'actualité et ce que les journalistes vont raconter vraiment. Bon, cela fait 5 mois que personne n'a touché quiconque. Donc nous n'utilisons pas la violence, il n'y a aucune punition corporelle, pas de fessée, vous entendez? Comment faisons-nous en sorte que les gens soient décents? Nous leur donnons quelques opportunités de regarder la télévision et des films, d'accord? Nous donnons quelques privilèges et ils se tiennent bien. Nous poussons les gens à se comporter mieux, d'accord? Vous avez compris? Understandable. Le 17 novembre, en début d'après-midi, un petit avion décolle de Georgetown pour Port Kaituma, à 2 heures de vol de la capitale guyanaise. Mais à leur arrivée, les journalistes ont une mauvaise surprise. Pour le moment, seul le sénateur et ses collaborateurs sont autorisés à visiter Johnstown. Les reporters devront attendre plusieurs heures avant d'obtenir enfin le feu vert. Les premières impressions des visiteurs sont plutôt positives. Certes, le camp est austère, mais la petite ville bâtie en si peu de temps est impressionnante. Les membres du temple du peuple sont souriants, accueillants. Ils ont d'ailleurs préparé une fête pour leurs convives le soir même. Et alors, ils chantent, ils dansent avec un certain entrain. Le sénateur Ryan prend alors la parole. Quelques semaines plus tard, l'émission Les dossiers de l'écran diffuse les images des reporters de NBC. Je suis heureux d'être ici. Vous savez que je suis venu enquêter sur tous les problèmes qu'ont soulevé votre installation ici. Je peux vous assurer qu'après avoir parlé avec un certain nombre de membres qui m'ont tous assuré qu'ils passent ici les meilleurs moments de leur vie. C'est l'enthousiasme. Personne n'ose encore imaginer la suite. C'est vrai, l'ambiance est survoltée, tout semble aller pour le mieux à Johnstown. Alors, les inquiétudes des proches, des adeptes, étaient-elles exagérées? Les journalistes commencent à le penser. Jusqu'à ce que la soirée prenne une toute autre tournure. Alors que le reporter NBC, Don Harris, se trouve à côté du pavillon central, un homme d'une trentaine d'années s'approche de lui et lui tend un papier. Papier sur lequel sont inscrits ces simples mots, mais qui disent tant de choses. « Je veux partir d'ici ». Et il y en a d'autres. Mais ni les sénateurs, ni les journalistes ne disent quoi que ce soit, pour le moment. Le lendemain, le samedi 18 novembre, la délégation qui a passé la nuit à Port Kaituma fait son retour à Johnstown. Avant de repartir, les journalistes doivent réaliser des interviews de résidents. Sans grande surprise, aucun ne déroge à la ligne dictée par Jim Jones, la vie à Johnstown est belle. Vous êtes heureuse ici? Moi, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Vous voulez rester? Définitivement, absolument, oui. Et vous, mesdemoiselles? Je suis très bien ici. Je fais des études techniques et j'aime beaucoup mon travail. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Je ne veux pas du tout m'en aller du camp. Mais le ciel au-dessus de Johnstown se noircit. Et arrive le moment où les adeptes commencent à parler. Devant les caméras, deux membres de la secte disent à l'assistante du sénateur Ryan qu'ils veulent partir. Et ils sont de plus en plus nombreux à exprimer le même souhait. Jim Jones est en train de perdre le contrôle de la situation, alors il les supplie de rester. Face aux journalistes de NBC, le pasteur est embarrassé et visiblement énervé. Quelqu'un m'a donné ça hier soir, qu'en pensez-vous? Et c'est ici, peut-être, dans ce silence, que tout s'est joué. Tout le monde est libre de partir et de venir. Tout ce que je veux, c'est les embrasser avant qu'ils partent. Mais ce sont des mensonges, et rien que des mensonges. Qu'est-ce que je peux faire à propos de mensonges? Tout ce que je peux dire, c'est « laissez-nous tranquilles, nous sommes heureux, laissez-nous tranquilles ». Quelques secondes plus tard, un disciple s'approche du sénateur et tente de le poignarder. Leo Ryan quitte alors le camp et monte à bord d'un tracteur en compagnie des journalistes et de quelques déserteurs, direction l'aéroport de Kaituma, où les attend l'avion du retour. Une fois sur le tarmac, les passagers commencent à embarquer quand un camion conduit par de fidèles lieutenants de Jones arrive à toute vitesse. La caméra de Bob Brown de NBC tourne toute la scène. Des hommes descendent du camion et tirent sur tout le monde. Les journalistes sont les premiers touchés. Charles Crowes et Don Harris de NBC. Son collègue Bob Brown essaie de continuer à filmer jusqu'à ce qu'un homme s'approche de lui et lui colle son fusil sur le visage avant de tirer à bout portant. Brown s'écroule. Puis Don Harris subit le même sort. Puis, à son tour, le sénateur Leo Ryan est abattu d'une balle en plein visage. Barbarie. Les balles fusent pendant plusieurs minutes et laissent sur le tarmac 5 corps sans vie et de nombreux blessés. Pendant ce temps, à Jonestown, l'atmosphère est lourde après le départ de la délégation du sénateur Ryan, évidemment. Et tout à coup, l'alarme retentit. Tout le monde est attendu au pavillon central. Drôle d'ambiance. Des hommes armés entourent l'assemblée des fidèles. Après ce qui s'est passé avec la délégation américaine, de toute façon, il fallait bien que quelque chose se passe. Jim Jones se lance alors dans un ultime sermon qu'on pourrait résumer ainsi. Le sénateur Ryan est mort, le gouvernement américain va détruire l'Église, il n'y a pas d'autre issue possible. Les disciples doivent choisir leur mort. Jim Jones a fait disposer plusieurs grandes marmites remplies d'un liquide violet, un cocktail mortel de jus et de cyanure. Les adeptes n'ont pas vraiment le temps de réfléchir. Beaucoup suivent le mouvement et cèdent inconsciemment à la pression du groupe. Seuls quelques dizaines d'entre eux tentent ou parviennent à s'échapper. Le pasteur demande alors à ce que les enfants soient séparés de leurs parents et qu'ils boivent leur verre en premier. À l'aide de seringues, le poison est administré dans la bouche des bébés, puis les adultes font la queue pour boire à leur tour. Alors que tous marchent vers la mort, Jim Jones prononce son ultime sermon, dont l'enregistrement est découvert quelques jours plus tard par le FBI. Nous disons, nous sommes 1000 personnes qui disons que nous n'aimons pas le monde tel qu'il est. Prenez-en un peu. Prenez notre vie, nous la laissons. Nous sommes fatigués. Nous ne commettons pas un suicide, nous commettons un acte de suicide révolutionnaire en signe de protestation contre les conditions de ce monde inhumain. Les enfants sont les premiers à rendre l'âme. Pour les adultes, le processus prend de longues minutes, pendant lesquelles ils se serrent dans les bras, se disent qu'ils s'aiment, avant de se voir mourir, les uns après les autres. Jim Jones, lui, refuse cette mort. Pensez donc, il a le droit à une méthode plus rapide, il s'est fait tirer une balle dans la tête. Une heure plus tard, le monstre se tait à jamais. Dépêchés sur place quelques heures plus tard, les autorités guyanaises découvriront des centaines de corps éparpillés autour du pavillon et du trône de Jim Jones. Ce jour-là, le 18 novembre 1978, 912 personnes, dont 300 enfants, ont péri, victimes de leur crédulité et surtout d'un pervers narcissique assassin. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, suicide collectif au milieu de la jungle de Guyana avec notre invité Enrico Polzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Rome et vous nous parlez... Tout à fait, je suis à Rome. Voilà, dans les studios de notre correspondante permanente Mathilde Imbierti, que je salue au passage. Vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université La Sapienza di Roma, autrement dit La Sapienza de Rome. Vous êtes en duplex, donc dans la capitale italienne, et vous avez notamment écrit l'article « Sécularisation et déboire du sacre, le suicide collectif de John Stone ». Alors on va essayer de comprendre, parce que c'est quand même la question centrale, de comprendre avec vous comment 912 personnes ont pu décider de se donner la mort collectivement. Mais d'abord, comment l'opinion américaine avait-elle réagi à ce suicide collectif, à cet événement-là ? Eh bien, ça avait été un événement qui a frappé l'opinion publique à un niveau qui a été, pour moi-même, tout à fait inattendu. D'après Gallup, d'après un sondage qu'ils ont fait, ça a été l'affaire la plus suivie par l'opinion publique américaine après l'attaque japonaise à Pearl Harbor. Ah, carrément, oui, tout à fait. 92% des citoyens semi-adultes et adultes des États-Unis ont suivi pendant 3 jours tout ce qui concernait le suicide de Johnstown. Et donc, c'était quelque chose qui a pénétré l'imaginaire collectif et les représentations collectives de façon puissante et pervasive. Cela dit, ça se comprend aussi vu l'importance des faits et la violence des faits. C'était donc l'affaire sensible numéro un aux États-Unis d'après-guerre. Comment Jim Jones était-il présenté à l'époque ? À l'époque du drame, pas avant, parce qu'avant il a réussi à berner son monde, mais quand ça a commencé à péricliter sérieusement. Ah mais vous savez, bon, le point est là. La secte ou l'église était une église complexe. Et donc, et quand vous utilisez le mot berner, vous imaginez Jim Jones comme un voyou, quelqu'un qui un menteur. Alors, vous savez, il y a deux catégories de menteurs. Les menteurs qui croient à leurs mensonges et les menteurs qui savent qu'ils mentent. Et je crois que Jim Jones se situe plutôt dans la première catégorie. Il croyait à ses mensonges, il était imbu de ses mensonges, il était ses mensonges et c'était son rôle qui coïncidait avec son identité. Et donc, en fait, il était parfaitement efficace au niveau de la communication, parce qu'il était lui-même. Mais le fait qu'il croit ou qu'il croyait à ses mensonges ne l'absout pas. Ah, mais absolument pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait le qualifier de pervers narcissique? Car il me semble... Écoutez, moi je suis psychanalyste, des mots dont je connais bien le sens. Je dirais plutôt pervers narcissique, je ne sais pas. Je dirais plutôt que sa grande catégorie, c'est la paranoïa. C'est une paranoïa avec des côtés évidemment dépressifs et avec des côtés hypochondriaques, etc. Mais c'est une dimension paranoïaque. C'était Jim Jones vivait et a vécu en quête d'ennemis, construisant des ennemis et se construisant à partir de l'enjeu avec ses ennemis. Il avait besoin d'ennemis pour tenir ensemble les facettes de son identité et pour éviter la désagrégation dépressive, enfin l'écroulement dépressif. C'est plutôt la paranoïa. D'accord, ça ressemble beaucoup à un trait de caractère d'autres gourous, d'autres sectes. Hein. Tout à fait. On a l'impression qu'il y a une construction psychologique du leader charismatique qui tourne autour de la paranoïa et qui tourne autour d'une toute-puissance mégalomane, mais dont la paranoïa est l'élément majeur. Donc, vous avez raison, c'est proche de ce qu'Hitler a été, de ce que Staline a été, de ce que d'autres gourous beaucoup moins importants au niveau de masse ont été un peu partout. Dans le monde, dans notre siècle dernier et maintenant. Est-ce qu'il a été considéré ou déclaré apostat ? Parce que ses méthodes n'étaient pas celles d'un leader religieux, enfin quelqu'un qui relaie la parole. Forcément, je suis à Rome, donc je suis au centre d'une construction religieuse qui n'accepte pas beaucoup de différenciation à son intérieur. Oui, aux États-Unis, il y a des milliers de dénominations. Il y a des milliers d'églises. La seule ville Jim Jones est né, la ville de Lynn, en Indiana, avait 2000 habitants et 11 églises et 12 dénominations différentes. Donc, vous savez, apostat par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quel catéchisme partagé et par rapport à quelle vérité partagée ou axiome de vérité partagée. Donc, la question de l'apostasie ne se posait pas. Bien, maintenant on va arriver à une question qui se pose, parce que j'imagine qu'il ne peut pas en être autrement. Quel est donc ce processus fascinant et effrayant qui fait que 312 personnes, alors je ne vais pas prendre les bébés évidemment, les tout petits enfants, mais qu'au moins 250 personnes se suicident, comme ça, décident d'aller à la mort, alors que finalement ils pouvaient se rebeller, se cabrer, le nombre aurait fait qu'ils auraient été plus forts que leur bourreau, car il a été leur bourreau. Qu'est-ce qui fait que ces gens ont fait ça? Bon, alors tout d'abord, il faut que je corrige les chiffres. Les enfants ou les gens de moins de 14 ans étaient 276. Le reste, c'était des adultes. Il y avait évidemment des vieux, mais il y avait beaucoup d'adultes. Et donc, je dirais que les adultes constituent à peu près au moins le 60-65% de la population de Johnstown. Donc voilà, et vous avez raison, ils auraient pu se rébeller. Il y avait quelques gardes armés, mais attention, plusieurs des gardes armés qui entouraient l'assemblée du suicide avaient des arcs et des flèches. Alors imaginez que l'on puisse contrôler une assemblée de quasiment 1000 personnes avec des arcs et des flèches. Ça ne marche pas. Ce à quoi il faut se résigner, c'est qu'il y a eu un consensus de groupe à l'égard de ce suicide collectif. C'est là le vrai scandale profond et le questionnement profond que nous pose l'affaire de Johnstown. Comment le consensus à sa propre mort a-t-il été possible, non pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe? Bien sûr. Et alors je précise, la mort individuelle, le suicide individuel, vous pardonnerez ce que je veux dire, est banal. Il est simple de se donner la mort, mais il est difficile de faire en sorte que 700, 800 personnes se donnent la mort simultanément et en voyant les autres mourir, parce que ça a duré des heures et des heures. La mort au cyanure n'est pas une mort indolore, n'est pas une mort rapide, on étouffe, ça prend de 4 à 8 minutes, on voyait les gens étouffer, souffrir, râler, etc. Et donc, les gens ont continué, ils ont bu leur boisson Kool-Aid avec du cyanure, tout en voyant autour d'eux la souffrance et la mort, et une mort chargée de souffrance. Donc, il y avait un consensus. C'est quand même difficile à comprendre. Mais pour bien comprendre, il faut aussi passer, et sans doute d'abord se demander qui étaient les adeptes de la secte du Temple du Peuple. On va écouter ensemble le rédacteur du San Francisco Chronicle, la ville où Jim Jones avait basé son église avant son départ pour le Guyana, interview réalisée par France Inter le 21 novembre 1978. San Francisco, vous savez bien, c'est une ville avec une réputation assez libérale dans les affaires politiques. Jim Jones a commencé dans un rôle libéral, dans un rôle d'action sociale, dans un rôle d'être porte-parole des forces qui soutiennent l'égalité parmi les races. Et comme ça, il a attiré des gens du Parti démocrate, des gens libéraux ici à San Francisco. Et surtout les jeunes gens pendant la guerre de Vietnam, dans la lutte pour l'égalité des races. On le disait un peu déjà dans le récit, mais je vous demande de confirmer ou d'infirmer ce que vous venez d'entendre. Mais c'est tout à fait vrai, mais seulement le panorama est plus complexe. C'est-à-dire il y avait de tout. Il y avait évidemment les éclopés, les pauvres bougres des ghettos de San Francisco et partiellement de Los Angeles, mais il y avait aussi les gosses de professeurs de Berkeley. Il y avait, c'est-à-dire de l'une des plus importantes universités américaines, il y avait aussi les membres ou les anciens membres d'une contre-culture hippie et de la libération sexuelle qui avait explosé en Californie, disons, quelques années auparavant et qui vivait sa démission et sa désagrégation. Mmh. Il y avait des gens qui avaient vécu la mobilisation des Panthères Noires et la mobilisation parfois armée des Noirs des ghettos californiens. Il y avait ceux qui avaient incendié deux ghettos de la Californie pendant les émeutes de 65, 68, etc. Donc il y avait une hétérogénéité de participation qui comprenait en même temps des couches très différentes et des niveaux d'éducation et des idéologies tout à fait différentes. C'était, je crois, l'élément le plus impressionnant de Jonestown. La plupart des sectes cherchent l'homogénéité de leurs adeptes. Oui. Là, Jonestown s'est le Peoples Temple s'est construit à partir d'une hétérogénéité systématique. C'est un syncrétisme New Age, quelque part. C'est un peu un syncrétisme New Age, mais en même temps, le New Age n'était qu'un élément partiel. Absolument. De cette identité. C'est vrai. Parce que le reste, c'était le millénarisme du Midwest. Alors, Jim Jones propose dans cet éventail de propositions d'une société nouvelle, une utopie multiraciale où noir et blanc seraient égaux. Est-ce que c'était vrai dans les faits au sein de sa communauté ? Mais absolument pas. Absolument pas. C'est l'un des aspects, de mon point de vue, de psychologue social, c'est l'un des aspects les plus surprenants. Jim Jones préconisait l'égalité homme-femme, préconisait l'égalité des races, préconisait l'égalité des jeunes et des vieux et le fait que les vieux aient droit à une assistance intégrale, etc., etc. Il préconisait tout cela, mais en même temps, l'Église était construite sur des hiérarchies très fortes et incontournables qui reproduisaient les hiérarchies de la société américaine. Le inner circle, le cercle interne des membres qui avaient le pouvoir ou qui géraient par le pouvoir de l'Église était formé essentiellement par des Blancs et c'est eux qui avaient la mainmise sur l'ensemble de la secte. Et les Noirs, qui étaient la majorité de la population de la secte, à peu près 75%, étaient relégués dans la secte aussi, dans des rôles qui étaient des rôles, disons, je ne dirais pas de servage, mais des rôles inférieurs ou des rôles d'assujettissement. Comment et pourquoi Jim Jones entretient-il les tensions internes ? Est-ce que c'est « je divise pour mieux régner » tout simplement ? C'est l'explication la plus simple, mais elle est peut-être trop simple. On divise pour mieux régner, mais en même temps, on crée un système social basé sur le conflit permanent de tous contre tous et sur un mélange inextricable de pouvoir et de culpabilité. Les Blancs qui exerçaient le pouvoir dans la secte étaient en même temps condamnés constamment par le pasteur parce qu'ils étaient blancs et parce qu'ils exerçaient le pouvoir. C'était donc un pouvoir basé sur la culpabilité et basé sur un conflit permanent avec une masse de population qui ne pouvait que vivre dans un cadre de ressentiment et de rancœur, le pouvoir qu'une minorité symétrique au pouvoir des blancs dans la société américaine exerçait sur eux. Donc c'était, si vous voulez, un conflit. Jim Jones avait construit une machine diabolique où le conflit entre des clivages de race, d'âge, de sexe, etc., engendrait, si vous voulez, une fluidité du groupe. Le groupe était fluide dans ce conflit permanent et il n'y avait qu'une seule personne pouvant agir comme un collant social pour cette fluidité conflictuelle, c'était lui, le leader. Et voilà comment il sauvegarde la cohésion du groupe jusqu'à la fin, puisque le groupe lui dit oui au suicide. Donc ça va jusqu'à un point de logique ultime. On va écouter une dernière archive, la lecture d'un extrait de la dernière prise de parole de Jim Jones. Et on va voir qu'il mobilise toutes ses visions du monde, parce qu'il a des visions du monde assez particulières, pour faire accepter le suicide. Arrêtez cette hystérie. Ce n'est pas la façon dont les socialistes et les communistes meurent. Ce n'est pas la façon dont nous allons mourir. Ne sommes-nous pas noirs, fiers et socialistes ? Peut-être que la prochaine fois, vous irez en Russie. La prochaine fois, c'est un conseil de suicide révolutionnaire. Je suis un prophète. Je m'adresse à vous ici en tant que votre prêtre. Trouvons la paix. Ô Dieu, Dieu Tout-Puissant. Pendant des mois, j'ai essayé d'empêcher ceci d'arriver. Mais à présent, je sais que c'est la volonté de l'être suprême que cela nous arrive. Bon, Enrico Pozzi, l'être suprême, oui. il a bon dos. Et si on est dans le jugement, il y a aussi la responsabilité. Bien sûr que ce Jim Jones apparaît comme un monstre, mais il y a la responsabilité du groupe aussi. Il n'y a pas que sa responsabilité. Mais absolument. Mmh. Écoutez, la presse américaine et pas mal des interprètes après cet événement majeur a essayé de trouver une réponse simple à ce scandale sociologique et psychologique et éthique. La réponse était, il y avait un leader fou. Ce leader fou a manipulé un groupe de pauvres bougres et de personnalités faibles vers un final qui était un final qu'il avait prévu dès le départ. Trop simple. C'est une réponse simpliste. Bah oui. Sans son groupe, il n'aurait pas pu être le leader du groupe. Il avait besoin de leur consensus et l'écoute attentive de la cassette qui a enregistré le suicide montre qu'il y a des moments où il a risqué de perdre le contrôle et il a risqué de ne pas pouvoir conduire le groupe au suicide. Et c'est le groupe qui a poussé les autres au suicide. C'est le groupe qui a aidé son leader. Enrico Pozzi, ce sera le mot de la fin, parce que c'est la fin de l'émission. Merci infiniment pour vos éclairages autour d'une histoire qui interpelle, parce que même si on analyse, ça nous dépasse un peu, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça que cette histoire est également fascinante. Merci, au revoir. Mais je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le temple du peuple, suicide de masse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.